Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre au Vietnam, la première guerre télévisée de l'histoire. Tous les soirs ou presque, il y avait une capsule Vietnam d'une minute, minute et demie. Des soldats sur brancard étant évacués, des bombardements. Les gens s'étaient habitués à la guerre du Vietnam. Ils en avaient perdu peut-être un petit peu même l'espèce de réflexe normal qu'on doit avoir en tant qu'être humain. L'implication qu'on a en tant qu'être humain face à un conflit aussi horrible que celui du Vietnam, par exemple. La guerre, tous les soirs, à la télé. Avec la guerre du Vietnam, pour la première fois de l'histoire, on a pu assister au déroulement quotidien d'une guerre, soir après soir, à la télévision, avec l'effet pernicieux que décrit ici le journaliste Pierre Nadeau, de nous habituer et de nous insensibiliser aux horreurs qu'on nous montrait chaque soir au petit écran. Au final, quel aura été l'effet de cette médiatisation, de cette grande médiatisation de la guerre au Vietnam, sur son évolution et sur son issue? La question se pose aujourd'hui encore. Je venais de prendre plusieurs photos quand, tout à coup, j'ai vu deux chasseurs vietnamiens. Ils volaient doucement et je me disais que je pourrais peut-être prendre une autre photo avant de partir. Et là, j'ai vu les deux avions sud-vietnamiens lâcher une bombe. Après que la bombe eut explosé, je n'ai pu prendre que des photos en noir et blanc car mon appareil photo couleur était inutilisable. Sous le choc, il avait été projeté à plus de 100 mètres. Les postes de télévision, sauf un, ne pouvaient tourner, mais j'ai continué à prendre des photos. Deux minutes après, à travers la fumée noire, j'ai vu apparaître trois, quatre enfants. Ils criaient « À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide, nous brûlons de l'air. » Et c'est alors que j'ai vu la petite fille au napalm. S'il y a une image emblématique de la guerre du Vietnam, c'est probablement celle de cette petite fille au napalm dont parle l'auteur de la photographie, Nick Hout, célèbre photographie qui va faire le tour du monde, extrait de l'émission Le Point Média, diffusée en 1995, pour nous raconter cette guerre, la guerre du Vietnam, l'importante couverture médiatique dont elle a bénéficié. La politologue à l'Université de Sherbrooke, amie de l'émission, Karine Prémont. Karine, bonsoir. Bonsoir. Karine, cette guerre du Vietnam, vraiment, aux États-Unis, pour ce qui est de la deuxième moitié du 20e siècle, c'est très, très important. C'est très important parce que ça va redéfinir la politique étrangère américaine pour les années à venir et en même temps, ça va être un traumatisme pour les Américains eux-mêmes. Alors, il y a des répercussions à la fois dans le monde et en même temps au sein même de la société américaine. Alors, ça commence quand pour les États-Unis et dans quelles circonstances cette guerre du Vietnam? Ça commence tranquillement, je vous dirais. Ça commence en 1961, quand John F. Kennedy va envoyer ce qu'on appelle des conseillers militaires pour former l'armée sud-vietnamienne pour résister effectivement au Nord et à ses intentions d'invasion pour unifier la péninsule au complet sous le régime communiste. Mm-hmm. Et donc, tranquillement, Kennedy va envoyer quelques centaines de conseillers militaires, mais très rapidement, 1963, au décès de Kennedy, on est rendu à 16 000 conseillers militaires. Alors là, il est clair qu'une intervention militaire sera nécessaire. Alors, soit le retrait, soit l'intervention massive. Ouais. C'est la seule option, en fait, qui existe pour le nouveau président Johnson. Et donc, on va envoyer, à ce moment-là, on va décider de s'impliquer dans cette guerre-là. Il y a un prétexte, au fond. Il y a un prétexte. Ce qu'on appelle l'incident du golfe du Tonkin, finalement, au mois d'août 1964. C'est le destroyer Maddox qui est en eau internationale. En tout cas, on dit à cette époque-là qu'il est en eau internationale. On affirme également qu'il s'est fait attaquer par des patrouilles nord-vietnamiennes et on apprendra seulement en 2005 là, que tout ça était faux, que c'est le destroyer qui était pas au bon endroit, qui était dans les eaux nord-vietnamiennes et que c'est lui qui avait tiré en premier. Mais donc, on se sert de ce prétexte-là pour entrer dans la guerre. Et le président Johnson va obtenir carte blanche de la part du Congrès pour finalement mener l'intervention qu'il souhaite dans cette zone-là. Et on décidera à ce moment-là d'abord des bombardements en 1965, au début 1965. Et c'est en juillet 65 que les premiers soldats américains vont débarquer au Sud-Vietnam pour mener cette guerre qui durera, ma foi, fort longtemps. Et il y en aura énormément. Le chiffre, moi, j'étais étonné, là, oui. Des centaines de milliers d'hommes vont se rendre, américains, vont se rendre au Vietnam. Oui. On dit qu'en fait, à différents moments, oui. On les envoyait par centaines de milliers à un certain moment. Il y en a eu jusqu'à 543 000 en 1969. Mais au total, on parle d'environ 2 millions d'Américains qui ont servi au Vietnam. C'est énorme. Oui. Ça va avoir, cette guerre-là, vous parliez de Lyndon Johnson, c'est lui qui va décider donc d'enclencher cette mm-hmm. guerre américaine au Vietnam. Ça va avoir d'importantes répercussions à Washington, entre autres pour Johnson. Pour Johnson, ça a deux impacts, je vous dirais, majeurs. Le premier, c'est peut-être la réduction de l'impact de son programme de politique intérieure. Rappelez-vous, il avait mis en place un projet qu'il appelait la Grande Société, mm-hmm. un projet qui visait à réduire la pauvreté, faire cesser la discrimination raciale, etc. Donc, il avait tout un programme de mesures sociales pour aider les Américains. Et tout ça a été lourdement entaché, tout ça a été passablement ralenti par la guerre du Vietnam. Et en même temps, Johnson lui-même, en fait, s'est senti tellement coincé dans cette guerre-là. Il savait bien qu'il n'avait plus l'appui des Américains. Il annoncera en 68 qu'il ne briguera pas un second mandat aux élections présidentielles. Il était même contesté au sein de son propre parti. Ouais. Robert Kennedy, notamment, faisait campagne contre lui. Alors, il n'a pas réussi à se sortir de cette guerre-là qui entache son héritage de façon colossale, évidemment, ouais. encore aujourd'hui. On oublie, en fait, ses réformes qu'il a faites sur le plan intérieur pour ne retenir de lui que ça a été le président de ce désastre vietnamien, c'est ça? Voilà. Ce qui fait que Nixon va prendre le pouvoir en 72, d'ailleurs, on pourra y revenir, ça va faire partie de l'équation parce que ça va se faire en deux temps, cette fameuse guerre, sur le plan médiatique, mm-hmm. entre autres. Parlons-en de cette couverture médiatique, Karine Prémont. Je disais au début de l'émission, mais c'est vrai, on peut dire que c'est la première guerre télévisée, la guerre du Vietnam. Oui, c'est la première guerre télévisée. Elle n'est pas encore télévisée en direct. Ça viendra plus tard. Ce sera la guerre du Kippour en 73 qui sera la première guerre télévisée en direct. Mais on voit les images avec quelques jours de retard seulement. Ouais. Et on a vraiment l'impression d'y être. Les Américains, dans leur salon, pour la première fois, voient presque effectivement en temps réel ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a un délai de 4 ou 5 jours, mais il y a quand même un récit au quotidien. Voilà. On est capable d'avoir cette trame narrative-là. On est capable d'expliquer dans le quotidien ce qui se passe. Il faut pas oublier que la guerre du Vietnam sera menée essentiellement par des conscrits. Alors, ça intéresse passablement les Américains de savoir ce qui se passe là parce que leurs fils sont là, leurs mm-hmm. frères, leurs amis, leurs maris. Alors, forcément, on est très intéressés à savoir ce qui se passe et la télévision le sait. Et justement, on a ce récit, on a cette continuité dans les reportages. De 65 à 68, première période oui. de cette couverture médiatique du Vietnam, ça se passe plutôt bien pour l'administration américaine. Oui. Une couverture assez positive. Assez positive. On calcule qu'à peu près 70 % des reportages télévisés étaient positifs. Donc, on faisait une couverture plutôt patriotique, plutôt optimiste également de la guerre du Vietnam. On se servait un peu des techniques qu'on avait appris et qu'on avait expérimentées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, présenter une image, je vous dirais, de bataille dont l'issue est victorieuse pour mm-hmm. les Américains. Justement, ce patriotisme dont on parlait tantôt, on met l'accent sur l'importance de gagner cette guerre-là pour la suite des choses sur la scène internationale. Dans ce contexte de guerre froide, on essaie de mettre à l'avant également cette nécessité de contrer cette théorie des dominos qui est assez importante à l'époque, qui dit que si un pays tombe sous l'emprise des communistes, ben les voisins forcément tomberont eux aussi à leur tour. Le motif est légitime. Le motif est légitime. Ouais. Et on présente cette guerre-là comme étant une guerre juste d'une certaine façon, ouais. d'une guerre de nécessité, autrement dit, pour les États-Unis. Et donc, à ce moment-là, on fait ce récit aux Américains. Et effectivement, tant que les Américains, les soldats américains ne meurent pas trop sur mm-hmm. le champ de bataille, l'opinion publique suit, les reportages sont positifs et ça démontre en même temps ce qu'on appelait le consensus bipartisan de l'époque où les républicains et les démocrates s'entendent généralement sur ce qu'il faut faire en politique ouais. étrangère, notamment contrer les communistes où qu'ils soient. Il va y avoir un tournant de cette couverture médiatique autour de 1968. Mm-hmm. Ça coïncide probablement au fond, et là ça devient plus négatif, la couverture est plus négative, et ça coïncide probablement au fond au fait que on se rapproche d'une couverture terrain. Au début, c'est une couverture oui. beaucoup à partir de Washington, une couverture très politique. Oui. Là, il y a des reportages qui arrivent vraiment, quotidiennement, donc du Vietnam. Couverture très, très terrain et ça a un impact dans l'opinion publique. Le journaliste Pierre Nadeau, à l'émission Nos témoins sur la ligne de feu, nous parle de ça en 2011. L'armée américaine, dès qu'on mettait les pieds à Saigon, nous envoyait dans un endroit qui s'appelait McVie, le centre de presse de l'armée américaine, et à partir du moment où nous avions cette lettre et la carte avec photo qui nous les autorisait à parcourir le pays avec eux. Et sans difficulté, on pouvait aller vraiment où on voulait. Il suffisait simplement de leur dire ce que nous voulions faire pour pouvoir couvrir ce que nous avions décidé de couvrir. Un matin, à 7h30, nous arrivons à Vinté, à environ 50 milles de Canto. Sur la piste, 30 hélicoptères s'apprêtent à décoller. À 12 milles de Vinté, l'on a signalé la présence d'un groupe Vietcong. Depuis 15 minutes, les avions de la US Air Force bombardent aux roquettes et aux napalm. Il y a un saccage terrible qui s'est fait au cours de cette guerre. Il y a eu d'abord le napalm, ça en est un bon exemple. Mais il y a peut-être plus que ça encore. L'agent orange, c'était un produit toxique qui était déversé par les Américains sur les plantations vietnamiennes pour affamer les populations qui étaient soupçonnées d'être sympathiques au Viet Cong. C'est évident que d'aucune façon pouvait-on être d'accord avec ce que les Américains pouvaient faire là, à ce moment-là. Le simple fait de montrer ces images, de toute façon, c'était quelque chose qui allait susciter, j'ai bien l'impression, un mouvement de répréhension à l'égard des techniques et de la façon de faire des militaires dans cette guerre. The napalm and rockets came tumbling down. Some say it was a pity they hit the wrong town. Beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Karine Prémont. D'abord, la liberté de presse. Quand on était au Vietnam, on avait cette fameuse carte, nous dit Pierre Nadeau. À partir du moment où on avait cette carte, on faisait ce qu'on voulait. Et puis, ces images terribles qui vont du terrain, qui vont arriver et qui vont avoir un impact sur la population américaine. Ce qui fait que la deuxième portion de l'engagement américain sera beaucoup plus négatif dans les perceptions qu'on en aura. Qu'est-ce qui fait que ça bascule à un moment donné? Vous l'avez dit, une série d'événements vont faire en sorte que l'opinion publique va commencer progressivement à se poser des questions, notamment le fait que les soldats américains meurent de plus en plus au combat. Alors, la population américaine soutenait l'intervention tant qu'il n'y avait pas trop de dégâts, si on veut. Et là, à partir du moment où les pertes augmentent, le soutien, lui, va décliner de façon presque équivalente. Alors, ça, c'est un des facteurs qui va contribuer à ça. Et vous l'avez dit, et Pierre Nadeau l'a dit, on commence à rapporter des images du terrain. On commence à utiliser les images du terrain parce que ce qu'on rapporte jusqu'à maintenant, ce qu'on rapporte depuis 1965, c'est le discours officiel. On s'abreuve aux sources gouvernementales qui nous disent « Tout va bien, Madame la Marquise, il n'y en a pas de problème au Vietnam, on va gagner, on va gagner. » Mais là, on se rend compte qu'on nous demande de plus en plus l'autorisation d'envoyer des troupes. Donc, plus de troupes, plus de troupes, plus de troupes. Aucune victoire significative sur le terrain. Alors là, les gens, à un moment donné, commencent à se demander ce qui se passe. Et là, arrivent ces images du terrain. Commence à arriver l'utilisation de ces agents chimiques. On voit quelques débordements, des comportements de soldats qui sont, ma foi, fort répréhensibles. Walter Cronkite, qui va y aller dans un reportage d'une déclaration, d'une affirmation, qui dit, au fond, on gagnera pas. Voilà. Ça va être un point tournant aussi. Ça, c'est un point tournant parce que Cronkite, c'est, je vous dirais, probablement à cette époque-là, le journaliste le plus reconnu aux États-Unis, le plus crédible à tout le moins. Et après l'offensive du Tet, qui militairement, là, est le début de la fin pour les États-Unis de façon assez claire. Donc, Walter Cronkite, qui travaille pour CBS, qui dira le 27 février 68, nous ne pouvons pas gagner cette guerre, c'est une impasse. Nos dirigeants nous mentent s'ils continuent à nous dire qu'on peut gagner. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, la couverture change. Oui. Et on passe de 70% de reportages positifs à une dizaine de pourcents. Là, on va parler du moral des troupes, on va parler du fait que les soldats eux-mêmes savent pas trop ce qu'ils font là. On va commencer à mettre l'accent sur les scandales, sur les comportements des soldats qui sont là et qui sont pas, ma foi, toujours très corrects. Ben, il y a un épisode, en fait, assez précis et assez connu, puis on va réécouter un petit extrait de Pierre Nadeau, qui était donc de cette couverture du Vietnam. Il nous parle donc de ce qu'on a appelé le Zippo-gate. Mm-hmm. Ça se passe en août 1965, ce Zippo-gate. Je me souviens, entre autres, de cette fameuse image de Morley Safer, le correspondant de la CBS, canadien d'origine, qui est arrivé à Da Nang en 1965 avec les Marines. Et en 66, il a montré un GI avec son Zippo allumant le toit d'une paillote dans laquelle vivait une famille de paysans vietnamiens. Et ça a provoqué un scandale terrible aux États-Unis. Safer a dû revenir. Les sénateurs ont dit, est-ce que c'est possible que nos militaires s'amusent à brûler les maisons des paysans vietnamiens? De ce point de vue-là, c'était bien. Mais c'était une image absolument exceptionnelle. Et j'en reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt. L'image conventionnelle du soldat qui, l'image un peu sadique d'ailleurs, du soldat au ventre ouvert qu'on évacue sur une civière, finit par rendre banal l'événement. Et ça, ça, et ça c'est assez fascinant parce qu'au fond, effectivement, comme la couverture, elle est quotidienne, il y a une banalisation, mais en même temps, il y a des images, comme celle du Zippo-Gate en 65, il y aura un autre scandale un peu plus tard en 68, mais ça, ça va choquer l'opinion publique américaine. Qu'est-ce qui se passe d'abord en août 65? On parlera d'autres scandales qui ont retenu l'attention après. Au mois d'août 65, effectivement, c'est le village de Kamné qui sera brûlé essentiellement au briquet parce qu'on soupçonnait les habitants de cacher des sympathisants nord-vietnamiens. On les accusait de sympathiser avec l'ennemi, autrement dit. Alors pour les punir, en représailles, on s'est mis à allumer les paillasses et les maisons en paille avec les briquets. Et là, on se disait, mais est-ce que c'est possible effectivement que des soldats américains qui défendent des valeurs de liberté, de démocratie, de justice, se mettent à réduire ensemble des villages comme ça sans aucune raison? Et cette affaire-là va rebondir jusqu'à Washington. Évidemment. Et c'est là où il y aura basculement de l'opinion publique, le début, en tout cas, de ce basculement-là, mais pas seulement de l'opinion publique, les élites aussi. Et c'est ça qui est important à souligner dans la couverture médiatique du Vietnam, parce que tant que les représentants gouvernementaux aux États-Unis s'entendaient pour dire « cette guerre-là, elle est utile, elle est nécessaire, il faut la faire et on peut la gagner », les reportages suivaient essentiellement cette conversation-là, si on veut, cette discussion-là qu'on avait, mais qui était quand même consensuelle. À partir du moment où les élites se disent peut-être que finalement, une victoire militaire n'est pas possible, peut-être que ça va pas si bien que ça, on va avoir des démissions au sein du gouvernement de Johnson, McGeorge Bundy notamment, qui était le conseiller à la sécurité nationale et qui était un des architectes de cette guerre-là, va démissionner en 66. Robert McNamara, le secrétaire à la défense en 68, qui est aussi un architecte de cette guerre, va démissionner en disant « je ne pense pas qu'on peut la gagner ». Ouais. Alors à partir de ce moment-là, forcément, on se met à se poser des questions. D'autant que les images continuent de rentrer, qu'il y aura au moins un autre massacre qui va vraiment ébranler l'opinion publique en mars 68. Oui, le massacre de Milé qui va survenir en mars 68, ce sont encore une fois des soldats américains qui font une patrouille et qui ont entendu dire qu'il y avait là des ennemis. Alors on arrive là, il y en a pas, il y a des femmes, des enfants, des vieillards, mais on les soupçonne encore une fois de cacher ces ennemis-là et on décide encore une fois en représailles de les assassiner. Donc 200 civils tués, on prend des photos beaucoup et ça va sortir seulement un an plus tard en 69 quand Seymour Hersh, un grand journaliste américain, va publier ces photos-là parce qu'un soldat aura effectué une fuite là, pour faire connaître ce scandale-là. Ça va complètement atterrer les Américains. Il y aura procès. Bon, les peines seront symboliques parce qu'on se dit on ne fait qu'obéir aux ordres. Ouais. C'est un peu le scénario habituel, mais là, à partir de ce moment-là, on va dire ça suffit. Il faut ramener les boys à la maison, comme on disait, ça suffit. Et ça veut dire aussi qu'il y a tout un mouvement de manifestations, de grandes manifestations qui va s'enclencher. La dynamique, elle est inversée. On veut sortir du Vietnam. Oui. Et donc là, il y a vraiment de nombreuses manifestations qui sont organisées. Il y a de nombreuses manifestations parce qu'à partir de ce moment-là, en 68, c'est seulement 37 % des Américains qui vont soutenir la guerre au Vietnam. Ils étaient 65 % au début de l'intervention. Donc vraiment, on n'a pas cette majorité-là du tout. Et à ce moment-là, les manifestations vont éclater. Bon, il y en a un peu partout aux États-Unis, évidemment. C'est aussi un phénomène qui est alimenté par le mouvement de contre-culture, les hippies notamment. Mais tout ça va se produire surtout d'abord dans les universités et ensuite prendront un peu plus d'ampleur et ces manifestations-là auront lieu dans les lieux publics. La plus grande manifestation est sans doute celle de novembre 69 qui va réunir là plusieurs centaines de milliers de personnes à Washington. Ça se déroulera paisiblement, mais il y aura des débordements dans certains campus universitaires parce que les gens sont un peu déchirés sur ces manifestations-là parce qu'à la fois, on comprend les motivations, on endosse à la limite ces protestations-là, mais ça fait désordre tout ça. Ça bouleverse un peu l'ordre établi et on n'est pas habitué dans les années 60. Bon, on s'habituera peut-être plus tard parce que ce sera le début d'une longue série de désordres sur la place publique pour les années à venir, mais ça chamboule complètement les façons de faire aux États-Unis. Oui. Sur ces grandes manifestations, là encore, ça commence vers 67, avec le point culminant que vous décriviez en 69. Sur l'une des premières de 67, justement, je vous propose un extrait de reportage de Judith Jasmin et puis ce sera suivi du commentaire de Pierre Nadeau à l'émission Les grands moments de l'information, diffusée en 1977. Peu à peu, avec ces manifestations-là, vous allez changer l'opinion publique aux États-Unis. Oui, je pense que ça va changer l'opinion. Premièrement, ça va montrer à ce gouvernement que c'est une guerre très impopulaire, que nous détestons cette guerre, que nous allons même aller jusqu'à la révolution pour arrêter cette guerre. J'ai souvent, comme ça, lu que la télévision avait réussi à sensibiliser les Américains, en particulier les jeunes, sur les campus, par exemple, qui ont fait pression et qui éventuellement, certainement, forcé la main des congressmen, des sénateurs et du président des États-Unis. Moi, je crois que s'il y a eu des protestations sur les campus, des manifestations, c'était surtout parce que les jeunes ne voulaient pas aller faire la guerre. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Quelques notes de la chanson The End du groupe The Doors, que vous avez peut-être reconnu, tirée de la bande sonore du film Apocalypse Now. On termine en revenant sur cet extrait qu'on entendait, les manifestations, la télévision, au fond, boucle à boucle. Quel effet aura eu cette couverture médiatique très forte du Vietnam, cette omniprésence de la télévision, sur le fait qu'il y ait des manifestations, sur le fait que l'opinion publique, tout à coup, voit cette guerre-là d'un mauvais œil? Avec le recul, est-ce qu'on peut mesurer l'effet réel qu'aura eu la télévision, la couverture médiatique? La couverture médiatique de la télévision, avec le recul, n'a pas été centrale dans les fluctuations de l'opinion publique, par exemple. C'est vraiment l'opinion publique qui a commencé, elle, à douter en premier de la guerre. Et M. Nadeau parlait des campus universitaires, parlait des jeunes qui ne voulaient pas aller à la guerre. Forcément, on peut les comprendre. Mais c'était leurs camarades qui mouraient aussi au Vietnam. C'était leur avenir, en fait, qui était compromis. C'était leur génération qui écopait de ces décisions-là. Et quand on voit, justement, les comportements des soldats, quand on voit des documents comme les Pentagon Papers, publié en 1971, qui démontre toute la duplicité des gouvernements successifs qui ont menti effrontément au Congrès, au public américain sur la situation réelle au Vietnam, mais on peut comprendre que le soutien se soit effrité à un moment donné. Et la télévision, elle, a pris quelques temps de retard cette fluctuation-là et s'est mise, elle, à suivre, en fait, l'opinion publique. Donc oui, la couverture médiatique a eu un effet parce que Lyndon Johnson va dire « Cette guerre-là, je l'ai perdue dans les salons. » Bon, je pense qu'il donne un peu trop de poids à la télévision. Il l'a surtout perdue en raison des mauvaises stratégies sur le terrain et du fait même que peut-être il n'aurait pas dû y aller en premier lieu. Mais c'est certain que la télévision va changer la perspective qu'on a de la guerre. Bien sûr, elle aura désensibilisé un peu les Américains, mais en même temps, elle va leur rappeler les dangers de la guerre. Et la prochaine guerre américaine n'aura lieu qu'en 83. Donc, on va tirer des leçons de cette guerre-là. On va mieux mesurer l'appui de l'opinion publique et la nécessité de l'avoir, cet appui-là. Et éventuellement, on va essayer de limiter la liberté des journalistes sur le terrain. Ça, en tout cas, je suis certaine que Pierre Nadeau n'aurait plus jamais eu cette liberté-là dans les autres conflits américains qui ont suivi. Karine Prémont, il faut s'arrêter là-dessus, politologue à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Daniel Labrosse. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.